Donc je vais vous faire un topo qui est évidemment très comprimé, c'est-à-dire que je n'aurai pas tout. Simplement, comme vous êtes assez jeunes dans l'ensemble, vous n'étiez pas né au début de l'Internet, peut-être, comme ça, c'est 70. Donc, si vous n'êtes pas un jour au courant de comment ça s'est passé, ce serait dommage. Donc, les origines. Alors, les origines, c'est... Est-ce qu'il marche, celui-là? C'est bien. Donc, voilà. Alors, ce que tout le monde ne sait pas, c'est que le premier réseau de paquets, il n'est pas français, il n'est pas américain, il n'est pas british, il est espagnol. C'est la Compañía Telefónica Nacional de España qui a créé ce premier réseau. Alors, je donne quelques précisions, naturellement, parce que quand on dit réseau de paquets, c'est quoi? C'est-à-dire qu'à une époque, il n'y avait pas de transmission de données. Et puis après, on a inventé des modems qui, à la place de transmettre des impulsions électriques, faisaient des cui-cui, c'est-à-dire des fréquences, et ça permettait de transmettre des données sur quelques centaines de mètres, et puis après, sur quelques kilomètres, puis après, il fallait de nouveau des relais, etc. Alors ça servait surtout à faire de la transmission de messages. Messages, par exemple, genre Telex. Vous savez, dans les années 60-70, toute la météorologie mondiale fonctionnait à base de Telex qui transmettait les données d'ouest en est. Et puis alors après, avec les ordinateurs, on a essayé d'aller plus vite. Il y avait des besoins très nets, par exemple les plans de vol, les avions. Il faut quand même qu'on sache quel plan il va suivre. Alors il peut être prêt un peu au dernier moment, mais il faut quand même qu'il arrive avant l'avion. Donc on a commencé par transmettre aussi des plans de vol. Et puis un peu plus tard, quelques années plus tard, 5 à 10 ans plus tard, on a commencé à faire de la réservation de place pour les transports aériens. Et il fallait alors là beaucoup plus de terminaux, beaucoup plus de débit, beaucoup plus de sécurité, etc. Et puis il y avait aussi les trains de marchandises. C'est une série de wagons. En général, ils suivent très tranquillement les uns après les autres, parce qu'ils arrivent une gare de triage, il faut les envoyer l'un dans un sens, l'un dans l'autre, etc. Si les gens qui les trient n'ont pas la liste exacte des wagons, ben après, il faut courir loin pour les remettre d'aplomb, pour les remettre en ordre. Donc tout ça, c'était les prémices. Alors là, je ne prends pas encore ça en compte. Je prends ça, la commutation de paquets, c'est aussi de la transmission de messages courts. On dit paquets parce qu'ils sont courts, mais c'est aussi le fait que on est allé beaucoup plus vite. Quand on transmettait des données avec les messages, ça allait lentement parce que les lignes de transmission étaient relativement lentes et parce que les ordinateurs aussi n'étaient pas très performants. Donc on faisait de la transmission de disque à disque, de tambour à tambour, enfin, c'est-à-dire qu'on avalait un paquet ou on avalait un message, on le stockait, on le réémettait un peu plus tard. Il fallait des minutes ou des heures pour transmettre des messages. À partir du moment où on a eu des machines qui marchaient vite et des lignes téléphoniques qui s'étaient devenues plus rapides, eh bien on n'avait même plus besoin de stocker les messages sur des mémoires secondaires. On les mettait dans les mémoires rapides, tout simplement. Donc ils arrivaient, on les regarde, pas aussitôt arrivés, aussitôt partis. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler de commutation de paquets. Bon, alors il y a eu donc la CTNE qui a été la première à se lancer, mais les Espagnols sont très discrets, ils ne parlent pas beaucoup de ce qu'ils font. C'était un réseau qui avait été construit par la société de télécom espagnole pour les transactions bancaires entre les banques espagnoles. Bon, il y a très rares documents là-dessus. Ça, c'était en 70. Après, en 60, la ligne au-dessus, TARPANET, TIMENET, CITA, c'est 72-73. C'est ARPANET, c'est américain, c'est un réseau de recherche. TIMENET, c'est un réseau commercial. C'est la compagnie Timeshare qui faisait du service bureau, qui avait construit un réseau pour ses propres clients, et puis qui a eu l'idée géniale d'offrir à ses concurrents de s'en servir pour aller aussi récupérer leurs clients à eux. Moyennant quoi, Timenet le louait à ses concurrents, ça lui faisait de l'argent qui lui a permis de faire grossir son réseau. Alors que les autres n'en avaient pas de réseau. Et finalement, c'est devenu Timenet, au bout de 5 à 10 ans, c'est devenu le seul réseau de transmission de données international, avant les PTT européennes. Ah, il s'éteint trop vite celui-là. Diable. Il ne faut pas arrêter de parler. Bon. Et puis la CITA, C'était aussi un réseau de transmission pour les compagnies aériennes. Ça a été fondé par Air France et d'autres compagnies pour la réservation de places. Bon. Tout ça, c'était évidemment très peu homogène, hein, c'est-à-dire chacun avait ses propres protocoles standards. Alors après, il y a eu, en fait, il y a eu Cyclades. Elle n'est pas tout à fait au niveau qu'il fallait parce qu'il n'y a pas de place, je ne sais pas pourquoi. C'est le designer qui a fait ça. Cyclades, c'est un réseau qu'on a fait en France parce que c'était encore l'époque de Gaulle. De Gaulle voulait avoir sa bombe, puis donc les calculateurs pour faire la bombe. Donc tout ça, on avait créé des structures qui permettaient d'être assez indépendants des Américains. Après que de Gaulle ait disparu, il y a eu Pompidou qui a continué la même politique. Donc à l'époque, on avait dit maintenant, puisqu'il y a ARPANET qui marche aux États-Unis, il semble que ce soit un truc d'avenir. Les ordinateurs qui parlent entre eux, hétérogènes, c'est-à-dire différentes marques de constructeurs, donc on n'est pas lié à un constructeur particulier. Donc il fallait faire quelque chose comme ça. Et il fallait trouver quelqu'un pour s'occuper de faire ça. Alors on m'a téléphoné, me dire si j'étais d'accord pour le faire. J'ai dit OK. Et puis on est parti là-dessus. C'était donc financé par la délégation à l'informatique. Délégation à l'informatique qui était rattachée au Premier ministre. Et puis on est parti là-dessus et ben, on a travaillé. On a fait une démo, on a demeuré en fin 71. En 73, on a fait une démo au ministre. Et puis en 74, Pompidou est mort. Alors, on a élu Giscard, et bien, il a changé de politique, du moins, ses conseillers ont changé de politique, parce qu'ils étaient fortement influencés par la Compagnie Générale d'Électricité, qui ne supportait pas que Thomson avait commencé à se mettre dans le téléphone. Parce que Thomson soutenait une compagnie qui avait été créée à l'époque, qui était C2I, compagnie informatique, et Thomson était, l'élément financier de garantie de la C2I, et ils s'étaient mis à faire des centraux téléphoniques alors que normalement leur terrain c'était l'électronique grand public et l'électronique de défense. Donc ça marchait nettement sur le terrain de la CGE qui lui faisait l'électricité un peu partout et le téléphone commutation. Donc ça les gênait et ils ont fait le lobby pour qu'on arrête tout ça, y compris le consortium européen qui avait été déjà mis en place pour constituer un groupe européen du même niveau que ce qui peut exister aux États-Unis. Donc tout ça à la poubelle. Donc Cyclades a été arrêté. On a continué à le faire quand même, mais on n'avait plus les budgets. Et puis à peu près à la même époque, il y a une compagnie américaine qui était en fait un descendant de l'ARPANET qui a créé sa compagnie. C'était la première compagnie transmission de données nouvelles avec des commutations de paquets aux États-Unis. Larry Roberts. Puis il y a d'autres compagnies aussi, je ne les passe en détail. Mais tout ça est tombé un petit peu dans le lac parce qu'il y avait la querelle fondamentale philosophique sur la manière de transporter les paquets. Jusqu'à Cyclades, tout le monde établissait un canal et après on faisait passer les paquets à la queue leu-leu dessus. Bon, autrement dit, le chemin de fer ou la transmission de données classique, simplement dans des paquets. Alors moi j'avais regardé le système et j'avais trouvé que ça ne sert à rien de les faire transmettre en séquence. C'est de l'énergie perdue. On peut très bien les transmettre comme des cartes postales. Et puis, à l'arrivée, on les remet en ordre, c'est tout. Ça donne des avantages supplémentaires, par exemple, de pouvoir les émettre et les recevoir sur plusieurs canaux physiques différents, sans être limité par la contrainte de séquentialité. Alors évidemment, les PTT n'aimaient pas ça du tout, ce qui fait qu'ils ont aussi fait du lobby pour faire disparaître Cyclades. Alors ce qui a sauvé Cyclades, c'est que les Américains l'ont adopté après, plus tard. Donc, pour une fois, on a eu de la chance. Ensuite, point de vue. De nouveau, les incompréhensions entre les télécoms et les informaticiens. Les télécoms étaient un monopole à l'époque. Donc, ils disaient, nous, on fait un réseau de données, et puis ben, vous pourrez vous en servir. On ne se posait absolument pas la question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec les données quand on sort du réseau. Ce qu'ils voulaient, c'était un réseau bien, donc il coûte cher, parce qu'il est très bien, et puis après ça, démerdez-vous. Alors, on pourrait dire ça, c'est les systèmes centriques. Oui, c'est pas le bon, il était avant. on a marché. Voilà, c'est le point de vue télécom, ça. Alors, ce qu'on a fait, nous, c'est un truc différent. L'idée de le faire était dans l'air, mais personne ne l'avait fait. Et beaucoup de gens disaient que ça ne pouvait pas marcher. C'est-à-dire des gens qui émettent des paquets en soi, mais qui ne se soucient absolument pas de ce que le réseau sait faire, du moment qu'ils ne fassent pas trop de bêtises, c'est tout. Parce que là aussi, les télécoms avaient raté un peu une certaine partie du problème, c'est qu'ils pensent toujours à leur réseau. Et puis, évidemment, il y a d'autres réseaux dans d'autres pays, donc là, ça ne les concernait pas directement. Alors, évidemment, quand on fait des réseaux de transmission de données, on pense tout de suite que le monde est grand et qu'il va falloir faire des réseaux intercommunicants. Ça, ce n'était pas prévu au départ. Donc, les usagers, eux, ils se disent, on veut se connecter à des réseaux, mais qu'il y en ait un ou plusieurs, ce n'est pas notre problème. Nous, on veut que ça passe, c'est tout. Alors, évidemment, ce qu'on faisait était absolument calamiteux, parce que nous, on ne faisait pas de contrôle d'erreur. On faisait les paquets part, etc. Mais dans le réseau, il n'y a pas de contrôle d'erreur. Il y en a un peu sur les... Chaque fois qu'on transmet, il y a toujours un contrôle sur le fil lui-même qui transmet les informations. Mais je veux dire, entre l'entrée et la sortie du réseau, ben, tout le monde a sa chance, c'est les cartes postales qui passent. Et c'est aux usagers d'avoir les équipements qui permettent de vérifier que tout ce qui a été émis et reçu, c'est comme les circulaires administratives, on numérote et puis on regarde bien s'il y en a pas qui manque, c'est tout. Eh bien, ça marchait, et donc c'est devenu intéressant. On ne pouvait pas le faire en Europe parce qu'il y avait la norme X25 que les PTT avaient définie, et il était interdit à l'époque, c'était la chasse aux sorcières, il fallait faire de l'X25, c'était ça, ou, non pas la prison, mais l'absence de budget. Alors, aux États-Unis, comme ils n'avaient pas cette religion-là, eh bien, ils ont... Leur télécom à eux n'arrivait pas à faire quelque chose qui plaisait aux clients. L'un était essayé, d'autres ont essayé, ça ne marchait pas. Alors finalement, ils ont décidé qu'ils allaient faire ce qu'on avait fait, en calquant plus ou moins ce qu'on avait développé. Ils ont changé quelques trucs pour pouvoir dire que c'était eux qui l'avaient fait, mais enfin, c'était essentiellement la même chose. Alors, quelques années plus tard, on a eu l'OSI, c'est-à-dire que vu que l'idée d'intercommuniquer entre des machines de différentes marques, c'était certainement de l'avenir, et il fallait donc des standards. Alors, des standards, il fallait en faire, ils n'existaient pas à l'époque. À l'époque, les constructeurs comme IBM, par exemple, disaient il n'y a aucun intérêt à connecter des ordinateurs IBM à d'autres ordinateurs. Ce qui était intéressant, c'est que tous les terminaux puissent se connecter à tous les ordinateurs. Mais interconnecter des ordinateurs de marques différentes, on ne voit pas l'intérêt. Bon, enfin, ils l'ont vu plus tard, quoi. Donc, on a commencé à faire des normes qui s'appelaient Open System Interconnection. OSI, c'est ISO à l'envers. ISO, c'est la Société de Normalisation Internationale. Alors, il fallait que tu y aies les mêmes couches, qu'il y ait les différentes couches. Donc, les bâtiments, c'est une image des couches pommées des différents protocoles qui font marcher les paquets. Alors, il y avait donc aussi les comités de normalisation télécom et les comités de normalisation informatique. Alors, le télécom, c'était des vieilles traditions établies depuis des dizaines et des centaines d'années, peut-être pas des centaines, mais plusieurs dizaines d'années. Donc, tout est très poli là-dedans. On demande la parole quand on l'a, on parle, mais on s'arrête quand on a fini, etc. Et donc, les gens sont tous très bien entre eux. En fait, ils travaillent surtout dans les cafés. Parce que... Il n'y a jamais d'objection formelle à l'intérieur des réunions des télécoms. On écoute, et puis on va réfléchir après. On réfléchit au bistrot après on discute au bistrot. Donc ça se passe de manière très gentille, mais il faut connaître les normes, il faut connaître les normes de dialogue. Pendant l'informatique, c'est différent, c'est réuni, et dès qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose, il dit non, ça ne tient pas debout ce que tu racontes. Et ainsi de suite, quoi. Donc les gens s'engueulent sans arrêt. Oui, ils se connaissent bien, c'est des copains. Mais en fait, ils sont rarement d'accord. Au bout du compte, ça se traite soit par un petit groupe de travail qui est relativement honnête, soit par le fait qu'il y en a un qui est d'une grosse société, puis par l'autre, donc voilà. Finalement, il n'y a pas tellement de normes dans la manière informatique. D'ailleurs, si vous regardez la collection des documents actuels qui définissent les fonctionnements de l'Internet, il y en a plus de 7000. tout ça parce qu'on a fait un truc, c'était pas tout à fait bon. Alors, une option, puis après une option pour corriger l'option de la précédente, et ainsi de suite. Quoi. Donc, ça s'appelle des RFC, Request for Comment. Donc, les normes côté informatique sont extrêmement, passagères. Alors, ce qu'on a découvert après, tout de suite après, c'est la déréglementation. Ça, c'était pas prévu dans les projets. Mais les Américains ont décidé qu'ils allaient déréguler. En France, on disait, déréglementer. Et eux, ils disaient déréguler parce qu'il n'y avait pas de monopole officiel de communication aux États-Unis. Il y avait simplement une compagnie qui s'appelait l'ATT qui devait faire 85 ou 90% du trafic. Mais il y avait beaucoup de petites compagnies locales pour faire de l'électricité, pour la distribuer en tout cas. Et bon, c'était comme ça. Personne n'y voyait mal à soi. Mais quand même, beaucoup d'usagers râlaient parce que l'ATT n'évoluait pas vite. Il a fallu des années de bagarres judiciaires pour faire admettre qu'on puisse mettre sur sa ligne téléphonique un modem qui n'était pas ATT. Donc introduire la concurrence dans les modems, c'est quand même curieux. Donc l'idée qu'il fallait indiquer de la concurrence pour que la technique avance. Alors ça a été donc réglé par une loi américaine qui a décidé qu'il fallait qu'il y ait de la concurrence. Donc à ce moment-là, l'ATT a été cassé en morceaux. On a fait 7 compagnies, on les appelait les 7 nains. Et beaucoup de gens prédisaient que finalement ils n'allaient pas tenir la route les 7 nains. En fait, c'est le contraire qui s'est passé, c'est l'ATT qui a été presque en faillite. Parce qu'ils ont voulu aussi, ils étaient contraints par le fait que ils n'avaient plus le monopole de distribution locale, ils ne pouvaient, plus faire que les grandes distances, les longues distances. Donc ça leur a coupé une partie de leur marché, et ils ont essayé de s'abattre là-dessus, ça ne marchait pas, ils ont essayé de faire quelques innovations, ça ne marchait pas. Et finalement, c'est les petites compagnies qui, eux, ne sont pas trop gênées, puisqu'ils n'avaient pas de contraintes. Ben, ils ont fait des terminaux modernes, offrir des services de collecte de données, enfin disons tout ce qu'on fait maintenant, mais qui n'était pas encore classique. Et finalement, l'ATT est passé à deux doigts de la faillite. Enfin, de la faillite, non, bien sûr, parce que c'était trop gros pour être en faillite, mais disons de sérieux problèmes financiers. Et puis, ils ont racheté une compagnie, puis une autre. Finalement, les 7 nains, il n'y en a plus que 2. Ils sont gros maintenant. Il n'y a plus que l'ATT et Verizon. Donc, c'est le mouvement décompression, recompression. Alors ça, c'est pas dans le bon sens. Voilà. Alors ce qu'on a découvert, mais bien plus tard finalement, parce que c'est l'histoire de 1984, c'est le titre d'un bouquin célèbre, hein. Et il a fallu attendre jusque vers 1990 pour découvrir le web. Le web, j'y suis pour rien. Hein. C'est deux collègues, un British et un Belge qui ont fait ça au CERN. Là aussi, il fallait qu'ils se bagarrent contre les lois ou les rites du CERN, parce que c'était la physique des hautes énergies. Là, vous pensez, ça, c'est vraiment une technique extrêmement pointue, qui vaut beaucoup d'argent, avec d'énormes cyclotrons, je ne sais plus quoi, des machines de l'époque. Et donc, faire un système à base d'un réseau qui marchait à peine, ça paraissait assez bizarre au CERN. Tirait pas beaucoup de gens, mais enfin, ils ont bien réussi parce que le problème qu'avait le CERN, c'est qu'ils faisaient des expériences qui faisaient des tonnes et des tonnes de résultats. Et ils n'avaient pas les machines sur place pour les traiter. Alors il fallait donc, d'une façon ou d'une autre, tirer parti de tous les centres atomiques, dont le CEA par exemple, Rutherford en Angleterre, et ainsi de suite. Ces machines qui étaient prêtes à bouffer les calculs, mais il n'y avait pas les données. Alors donc, il fallait un réseau de traitement. Ça. Donc l'Internet a été très bien reçu. Alors ces deux gars dont j'ai parlé sont dit, mais dans le fond, le problème qu'on a aujourd'hui aussi, c'est pas simplement un problème de calcul, c'est que quand on reçoit des données, ben, ce n'est pas les mêmes formats, ce n'est pas les mêmes logiciels, tout ça, on est obligé de les reformater pour les traiter, ça prend un temps fou. Donc il faut un standard. Donc le web, au fond, au début, c'était un standard de transmission de données, qui soit à peu près dans des formats que l'on puisse interpréter facilement. Et puis on a découvert le spam, la fraude, l'arnaque, ben oui, dès le moment où il y a quelque chose qui commence à rapporter de l'argent, vous pouvez être sûr qu'il y aura des arnaques. Donc ça a commencé un petit peu après le, dans les quelques années qui ont suivi le ça marche plus. Ah si, ça marche pas. Donc c'est comme ça que c'est arrivé au niveau du web, c'est-à-dire dans les années 90. Le web est apparu vers 98, 97, 98, le temps qu'ils se connaissent. Alors là aussi, ils ont eu du bol, parce que c'était considéré au CERN comme un bricolage. Et ils n'avaient pas de budget très, très significatif pour faire ça. Mais il y a un Américain de Californian Institute, de Caltech, qui est passé au CERN, où ils se connaissaient, tous ces gens qui faisaient des trucs atomiques, et ils leur ont montré le web. Oh, il a dit ça, c'est formidable, j'en veux. Il a appelé ses copains en Californie, ils leur ont envoyé le logiciel, ils ont connecté, synchronisé les postes, et les gars de Californie se sont mis à utiliser le web du CERN. Eh bien, à partir de ce moment-là, ça a été l'incendie, le feu de paille, et le CERN et d'autres laboratoires sont mis à utiliser le web, et la plupart des Américains pensent que ça a été inventé aux États-Unis, le web. Donc maintenant l'architecture. L'architecture, c'est un autre domaine. Là, on a parlé plutôt un petit peu, vous voyez, tous les bricolages pour arriver. Mais quelles étaient les idées directrices derrière ça? Ben, c'est un peu comme les bâtiments. Les bâtiments, on met des gens dedans, il y a des WC, des toilettes, des salles de repos, etc. Mais il faut quand même un plan d'ensemble, un plan de circulation, un plan de maintenance, un tas de choses, l'électricité, enfin, il y a un tas de choses comme ça. Donc finalement, un système informatique, il n'y a pas que les utilisateurs, il y a aussi le fonctionnement du système dans son ensemble. Donc, c'est ça qu'on appelle l'architecture dans l'informatique. C'est la manière dont on met ensemble un certain nombre de fonctions de manière à ce qu'elles soient utiles, bien coordonnées, que ça puisse évoluer, ainsi de suite. Donc, quel est le plan d'ensemble de l'Internet actuellement, hein, c'est-à-dire tel que nous l'avons défini, nous? Eh bien, vous avez des réseaux. Contrairement aux États-Unis qui avaient fait un réseau unique auquel tout le monde devait se raccorder, en Europe, moi, je savais très bien qu'un réseau unique, c'était complètement impensable, qu'il fallait s'y prévoir un ensemble de réseaux qui soient sous autorités différentes, mais qui soient interopérables. Donc ce sont des réseaux de paquets indépendants, mais qui ont une interface très simple, il se passe des paquets, c'est tout, avec des adresses des paquets, des adresses de destination, un peu d'informations sur différentes options, puis c'est tout. Et puis les contrôles sont faits de bout en bout par les clients. Alors, là-dedans, il n'y a que des bits qui donnent un numéro, comme le téléphone. Les gens qui sont raccordés à l'Internet ont un numéro qu'on n'appelle pas de téléphone, mais qu'on appelle IP, Internet Protocol. Alors, la plupart du temps, les gens ne s'occupent pas de ça, ils s'occupent de l'URL, c'est-à-dire HTTP, blablabla. Alors, l'HTTP, ça ne sert qu'à consulter un annuaire. C'est comme le téléphone, quand on veut appeler un ami, un collègue, il faut d'abord trouver son numéro. Alors, il y a donc des annuaires dans le téléphone. Ben, c'est pareil, il y a des annuaires dans l'Internet. Parce que cette adresse en www, etc., ça ne sert strictement à rien pour faire passer les paquets. Eux, ils veulent des IP et tout. Donc voilà, il y a donc un système qui permet de traduire. Chaque fois qu'on envoie quelque chose, il faut savoir à quelle adresse on l'envoie. Alors bien entendu, les gens... ils connaissent que la plupart du temps, la partie littéraire de la destination, parce qu'elle est théoriquement plus facile à retenir si c'est eux-mêmes qui ont pu choisir les noms. Mais quelquefois, il y a des noms extraordinaires, parce qu'ils ont été complètement transformés, parce qu'ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas pu avoir le nom de domaine qu'ils auraient voulu. Donc, ils ont trafiqué des consonnes et des voyelles pour faire quelque chose qui ressemble, mais ce n'est pas toujours très convaincant. Alors ça, ce n'était pas au début de l'Internet. Au début de l'Internet, il n'y avait pas de domaine. On donnait un chemin, il fallait passer par là. Alors on mettait plusieurs noms de serveurs à l'intérieur et suivait au travers. Bien, bon, ça n'a pas été très loin parce qu'il y avait des noms qui étaient en double. On ne savait pas toujours les noms, mais ça évoluait parce que c'était encore assez artisanal. Et ça prenait de la place et on n'était jamais très sûr que ça allait arriver. Donc, au fin de compte, il a été décidé d'introduire un système de nom de domaine qui, cette fois, était américain. À américain, donc centralisé aux États-Unis, parce qu'ils ne savent pas faire les choses qui ne sont pas centralisées aux États-Unis. Alors donc, il n'y avait pas d'accent, pas de CDI, pas du tout, il n'y avait que la SCI, c'est-à-dire les 26 lettres de l'alphabet, sans aucune connotation de petites choses comme ça, comme les accents, comme les autres choses. Donc pour eux, c'était naturel, et il fallait que tout le monde devait utiliser ça. Alors ça date de 82, c'est-à-dire presque 10 ans après le début de l'Internet. Donc ça ne s'appelait pas l'Internet, ça s'appelait encore l'ARPANET à l'époque. L'Internet, ça a été marqué par l'introduction de ce système de noms, qui aussi a été accompagné de la modification du protocole. Le protocole, c'était un protocole qui était très peu efficace, qui s'appelait NCP. Donc quand ils ont copié notre protocole, ils l'ont appelé TCP/IP. Donc, c'est celui-là qui est célèbre, qui est bien connu pour avoir été fait par Winsurf et Bob Kahn, alors qu'en fait c'est un bricolage d'une autre. Ensuite, il n'y avait plus qu'à avoir des domain name systems. Alors ça, c'est une usine à gaz qui avait été conçue pour pouvoir faire un annuaire unique au monde, bien sûr. C'était américain. Alors c'est gros le monde. Donc ça ne pouvait pas tenir dans une boîte, donc on a fait des systèmes à étage, comme un système de fichiers classique de l'époque, c'est-à-dire la tête, qu'ils ont appelé la racine, c'est-à-dire le départ de la hiérarchie, c'est un arbre, à l'arbre à l'envers bien sûr, toujours, les arbres poussent en bas en informatique. Donc c'est un arbre avec un ensemble de données du départ qui sont les top level domaines, c'est-à-dire les noms principaux, comme les départements dans une nature téléphonique par exemple. Et après ça, il y a d'autres fichiers qui vont donner les autres noms. Chaque fois qu'il y a un point dans votre nom de domaine, point quelque chose, eh bien, il y a un niveau de hiérarchie dans l'ensemble de l'annuaire. Donc ça, c'est en service depuis 83. C'est ça qui a marqué l'entrée de l'Internet. Ça marche, mais il y a des difficultés qui sont apparues, qui n'étaient pas spécialement techniques. C'est qu'au départ, les États-Unis avaient déjà un réseau ARPANET qui avait quand même quelques centaines d'ordinateurs. Et ben, ils avaient des demandes pour avoir des numéros IP. Alors ils les distribuaient à coût de 16 millions par client. Il n'y en avait pas vraiment besoin, mais à l'époque, ça paraissait, avec 32 bits, c'était tellement énorme qu'il n'y aurait jamais de problème. Donc ils donnaient des gros blocs. Et ils ont un peu gavé les sociétés américaines. Et ce qui fait que quand j'ai commencé à m'occuper de la manière dont les noms de domaine fonctionnaient, j'ai trouvé qu'ils avaient à peu près 80 et quelques pourcents des numéros IP qui avaient été alloués. Le reste, il y en avait un petit peu qui avaient été alloués, mais la grande majorité n'était pas encore allouée. Mais maintenant, on a passé le cap. Depuis le 6 juin 2011, il n'y en a plus. On a complètement bouffé les numéros de téléphone, disons les numéros IP. On n'appelle pas téléphonique, bien sûr, on les appelle numéros IP, mais en fait, il y a deux versions. Il y a IPv4 et IPv6. Parce que avec 32 bits, on avait constaté que malheureusement, il n'y en avait pas assez. Alors on a passé à 128, tout simplement. En disant, oh non, mais il y en a plus que de grains de sable dans le monde, il y en a plus que de photons, etc. Il y a encore une quantité absolument phénoménale qu'on ne pourra jamais épuiser, c'est ce qu'on dit. Donc aujourd'hui, la stabilité, c'est que les États-Unis ont à peu près 45% des numéros IP. Et le reste du monde se partage le reste. Voilà. Ça, c'est aussi la gestion américaine. Vous voyez, quand on se sert d'abord, et puis ce qui reste, ça servira aux petits. Quand ils auront le temps. Donc IPv6 est disponible, mais on s'en sert très peu parce que ce n'est pas les mêmes protocoles. Chaque fois qu'on change de normes, c'est comme un petit peu changer de langage de programmation, il y a toujours de la résistance. Donc il y a encore de l'heure. Maintenant, il y a un marché noir, c'est tout. C'est-à-dire que les sociétés qui avaient 16 millions d'IP, ils n'en ont pas besoin, ben, ils les revendent par petits blocs. Puis aussi les fraudeurs, il y a ceux qui utilisent des numéros qui ne leur ont pas été alloués, Mais ils ont trouvé, ils sont aperçus qu'en fait, ils n'étaient pas utilisés. Et ils les prennent pour eux. Puis un jour ou l'autre, ça peut attirer des ennuis, bien sûr. Donc, il y a un petit trafic là-dessus. Bon, je vais passer à autre chose maintenant. Si vous avez, comme c'est des petits chapitres, ça, si vous avez des questions à me poser avant que j'ai fini sur ce petit chapitre, allez-y. Ok, d'abord. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'occupe de toutes ces normes, de tous ces protocoles, etc., sachant que les États-Unis ont quand même, dès le départ, pris des positions dominantes? Eh bien, le gouvernement américain, c'est-à-dire, a créé une société théoriquement sans but lucratif, bourrée de millions de dollars, qui veut dire, on verra après le nom, c'est une société qui est en fait le représentant du département du commerce. Autrement dit, l'Internet aux États-Unis est devenu un outil de commerce, hein. Pas de la recherche, pas de l'ingénierie, pas de la guerre, mais le commerce d'abord. Alors elle a été créée en 98, c'est-à-dire à peu près à la même époque que le web. Ça tombait bien parce que le web avait déclenché une telle arrivée de nouveaux utilisateurs qui étaient enflammés par cette idée, il y a qu'à taper un petit truc, cliquer, on arrive tout de suite des informations. Donc, ils ont senti que s'ils prenaient pas les devants, ils allaient perdre le contrôle. Donc, ils ont créé cette société pour mettre de l'ordre là-dedans, c'est-à-dire mettre leur ordre là-dedans. Bon, alors, comme ils étaient monopoles, de fait, ben, ils avaient un niveau de vie extrêmement agréable, qui était de l'ordre des grands directeurs de sociétés ordinaires, quoi. Alors, ils ont donc créé un système dans lequel on organisait la rareté, parce que tout ce qui est rare est cher. Donc, il y avait un petit nombre de top level domaines, c'est-à-dire la partie qui est tout à fait à droite, vous voyez, com, or, net, etc. Ça, plus les CCTLD, c'est-à-dire les noms des pays. Alors, les pays CFR, UK, etc., DE. Alors, on dit, voilà, alors les pays vont gérer leur propre top-level domaine de leur pays, et puis les Américains gèrent le reste. Et le reste, à l'époque, c'était presque tout le reste, ça représentait la grande majorité des noms qui étaient demandés, d'abord parce qu'ils étaient, le système de délégation fonctionnait à peu près, c'était pas encore trop cher à l'époque, donc beaucoup de sociétés qui n'étaient pas américaines prenaient des TLD, on appelle les top-level domaine, c'est ce qu'il y a à droite, hein. Bon, ils en prenaient, ils les louaient aux Américains. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont énormément de noms, ils ont à peu près, en fait, 80% des TLD grâce à ça, quoi. Ce qui leur apporte des revenus. Donc, ils ont aussi créé l'ICANN pour qu'il soit auto-financé par la rareté des noms. Alors, ils en ont rajouté de temps à autre. Vous voyez, petit à petit, ils ont rajouté quelques top-level domaines par-ci, par-là. On en est aujourd'hui, je crois, 24, 25, je ne sais plus combien. Mais ça a été long, il fallait des années de palabres pour faire ça. Et tout ça, c'est grâce au DNS, donc, qui était le système de monopole de la gestion des noms. Mais alors, ils ont deux étages. Ils ont ce qu'ils appellent les registres. Les registres sont les sociétés qui gèrent le top level domaine. Alors, en fait, c'était pour montrer qu'on faisait de la concurrence. Donc, il y avait VeriSign, une des sociétés, qui, avec le .com et le .net, a à peu près 90% des noms de domaine. Voilà. Et puis, tous les autres, ben, ils se font concurrence dans la petite tranche qui reste. Donc, finalement, c'est encore un pseudo-monopole. Alors, et ensuite, il y a en dessous, il y a les registraires. Les registreurs, c'est-à-dire, en fait, c'est les détaillants. C'est votre FAI ou une société quelconque qui alimente les FAI, c'est-à-dire des gens qui, eux, louent des noms aux registres, c'est-à-dire VeriSign, je veux dire, et les autres, et puis qui les louent ensuite, qui les font payer aux FAI ou aux sociétés de télécom nationales, si c'est le cas, par exemple. Il y a différentes façons de les choses, et puis après c'est vous qui payez. quand vous prenez, quand vous achetez un nom de domaine, vous ne l'achetez pas, vous le louez, quand vous louez un nom de domaine chez un FAI, eh bien, il y en a une partie qui va à l'ICAM. Évidemment, en arrosant tous les intermédiaires. Hein. Mais les plus arrosés, c'est l'ICAM et les registres. Les FAI, il y en a qui peinent. Hein. S'ils sont bons, ils se démerdent, mais il y en a aussi qui se cassent la gueule. Hein. Et puis l'utilisateur qui est finalement le démon de la farce, parce que il n'a pas beaucoup de droits pour manifester son mécontentement, vu qu'il n'y a pas d'élection. L'ICAN n'est pas une société de membres, c'est une société qui est autoproclamée. Ils ont un conseil de direction qui est autoproclamé, etc. Donc ils n'ont de compte à rendre à personne. Alors ce qu'il y a, c'est que l'union de domaine, même si ce n'était pas évident dès le départ, c'est quand même un élément économique important. Parce que ça permet d'ancrer des commerces dessus. Évidemment, les sociétés telles que Microsoft, Sony, etc., voient très bien que les marques, c'est important pour eux. Donc pour beaucoup de sociétés, marques et noms de domaine, c'était un peu la même chose. Ils servaient du nom de domaine pour valoriser, populariser leur marque. Alors, mais ça ne réussissait pas à tout le monde. Donc, il y avait commencé à y avoir des disputes sur le fait que certaines marques pouvaient être éventuellement en concurrence, elles pouvaient se ressembler, tous les problèmes de plagiat, de similitude, etc., pour lesquels il n'y avait pas vraiment de réglementation. Parce que, en général, la manière américaine de travailler avec les normes, c'est qu'il ne faut surtout pas que les gouvernements européens s'en occupent. Donc, au lieu de passer par les organismes habituels tels que l'IMPI, ou l'OMPI, pardon, et puis l'OSI, ou bien l'Institut du commerce, la société qui s'occupe du commerce au niveau, niveau mondial, eh bien, ils en veulent le moins possible. Donc, ils ont fabriqué leur propre réglementation sur les problèmes de similitude ou d'impropriété, il y a des noms qu'il ne faut pas utiliser. Par exemple, il y a eu des bagarres pour utiliser, à propos du nom un nom américain qui veut dire fuck. Ouais, fuck comme ça. Donc ça, ça a été peut-être bagarre. Et donc il y a des noms qui sont tabous, ou bien des noms de géographie. Par exemple, il ne faut pas utiliser des noms de pays parce qu'ils ont déjà leur truc. Ou bien des noms très connus comme Croix-Rouge, par exemple, il ne fallait pas y toucher. Et tout ça, ça se fait au fil du gaz, donc, petit à petit, chaque fois qu'il y a un truc, on décide quelque chose. Alors on décide par exemple que car singulier, qui veut dire voiture, c'est pas pareil que car sur pluriel, mais dans d'autres cas, on dira que c'est pareil. Enfin, tout ça, c'est l'incohérence la plus totale, c'est en fonction des lobbies commerciaux qui sont derrière, qui font pression pour faire adopter une formule ou une autre. Alors donc ça fait partie de la manière dont ça fonctionne. Une chose que je vous cite tout de suite, c'est que les moteurs de recherche ne s'occupent pas des noms de domaine. Les noms de domaine, ils sont essentiellement destinés à organiser l'accès aux données, tout en respectant certains principes de concurrence qui sont assez bidons. Enfin, il faut que chacun ait sa part du gâteau. Donc un nom de domaine, c'est une façon de diviser l'annuaire en un certain nombre de morceaux qui vont être commercialisés et gérés par différentes sociétés. Maintenant, les moteurs de recherche, eux, ce n'est pas la même logique. Eux, ce qui les intéresse, c'est les yeux des gens qui regardent des pages. Et ça, ce n'est pas du tout lié à l'architecture, à la structure de l'annuaire. C'est lié à la fréquence de clics. Donc, ce qui les intéresse, c'est les pages qui font des clics. Alors, si c'est des pages très intéressantes, alors là, tous les coups, vous êtes référencés, même souvent au début, dans les premières pages. Si vous n'êtes pas intéressant, même si vous avez un .com, ça ne vous apportera rien. Maintenant, si vous voulez être connu, eh bien, vous payez Google, c'est tout. Ça vous coûtera tant par clic, ou bien vous aurez contrat avec eux à l'année, c'est pourquoi. Donc, si vous payez assez cher, vous serez aussi bien référencé que d'autres. Bon, donc ça, c'est le principe de fonctionnement de la partie commerciale des noms de domaine. Alors, il y a dedans, il y a un peu de tout. Il y a des infos commerciales, il y a des infos de société, il y a des infos personnelles, il y a des infos politiques, il y a des infos religieuses, des djihadistes, il y a tout ce qu'on veut, hein, là-dedans. Il y a très peu de filtrage. Enfin, certains pays décident de filtrer, comme la Chine, comme l'Europe aussi, d'ailleurs, filtre. Les États-Unis filtrent pas trop les idées, ils filtrent surtout les gens qui vous font concurrence. C'est-à-dire que si vous utilisez un terme qui peut-être leur enlève une part de marché, alors là, tout de suite, ils ne sont pas contents. Mais au plan idéologique, ils n'interviennent pas beaucoup. Sauf si quelqu'un se plaint. Alors ça, c'est différent. S'il y a quelqu'un qui est prêt à payer un avocat, alors là, il va sûrement y avoir du business. Maintenant, au niveau international, qu'est-ce qui se passe? Parce que jusqu'à présent, on dit que c'est surtout eux qui font les principes et la pratique. En fait, il y a extrêmement peu de lois internationales concernant l'Internet. Il y a des lois sur différents sujets, par exemple la mer, des lois sur les banques, etc. Mais sur Internet, il y a extrêmement peu de choses. Donc les gouvernements, comme ils ne sont pas les plus forts, ils n'ont pas de pouvoir. Il n'y en a qu'un qui a du pouvoir, c'est les États-Unis. Les usagers, il y en a très peu là-dedans, parce que d'abord, il faut aller aux réunions si on veut être connu et si on veut être écouté. À raison de 3 ou 4 réunions par an, ça fait des coûts par côté cher, surtout quand elles sont au bout du monde ou qu'elles sont à Genève. Donc, petit à petit, les usagers qui ne sont pas eux-mêmes bien financés pour y aller, ils ont tendance à rester chez eux. Donc la représentation n'est pas vraiment démocratique. Elle est surtout là encore basée sur des groupes de pression. Bien entendu, c'est pas satisfaisant parce que dès le départ, il y a longtemps que les gens grognent là-dessus. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour essayer de faire quelque chose? Eh bien, le SMSI, Sommet mondial, Société de l'information, c'était le premier sommet des Nations Unies sur ce qu'on pourrait appeler l'Internet, mais qui en fait s'appelait la Société de l'information, point à la ligne. Alors c'était proposé par l'UIT et la Tunisie, ça a été accepté, donc la mécanique est partie, et le premier sommet a eu lieu en 2002, début des travaux, en 2003, et le deuxième sommet, c'était la deuxième partie du premier sommet, c'est-à-dire la Tunisie et l'UIT s'étaient partagés à la fois l'organisation et on peut dire la réputation d'avoir fait ça. C'était Ben Ali à l'époque quand même. Donc ce sommet avait été proposé pour réduire la fracture numérique. C'était le grand principe. Bon, en pratique, dès les premières réunions là-dedans, moi j'ai participé à tout ça. Dès les premières réunions, les gens qui venaient là-dedans, c'était des diplomates très bien, intellectuellement très bien, mais ils ne connaissaient rien à l'Internet, sauf exception. Alors, il y avait toute l'ICANN et tous leurs complices qui étaient là pour dire « Oh là, il ne faut pas que les gouvernements s'occupent d'Internet, ils font des bêtises, faites comme nous, c'est beaucoup plus souple, on va vous raconter, etc. » Alors on a commencé à faire de l'anti-propagande, c'est-à-dire on a dit mais l'Internet, oui, mais l'Internet c'est pas beaucoup de systèmes techniques, les satellites sont très compliqués, le nucléaire c'est très compliqué, mais il y a beaucoup de choses qui sont très compliquées dans l'industrie, mais c'est pas pour autant qu'il faut que le gouvernement soit tenu à l'écart, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux là-dedans, beaucoup d'argent, et puis au bout du compte, le but c'est quand même que ça fasse, que ça soit utile à la société. Alors, c'est un discours qui prenait un peu, mais pas très très tôt. Alors, on en a trouvé l'amélioré. On leur a dit, mais bon, si vous voulez que ça marche dans votre pays, il faut que ce soit dans votre langue. Avec la SCI, vous ne pouvez pas faire dans votre langue. Vous pouvez peut-être dans les pays latins, à la rigueur, mais les pays arabes, asiatiques, etc. Alors ça, ils l'ont compris tout de suite. Donc, ils se sont aperçus que s'ils n'avaient pas un minimum de contrôle du gouvernement sur le développement dans leur pays, et bien en fait, ça leur échapperait complètement, et que ce qui se passerait, c'est certainement pas ce qui serait utile à leur pays. Mais ils n'avaient pas encore de politique de développement de l'Internet. Alors un autre domaine aussi qui inquiétait beaucoup les gens, c'est la sécurité des données. Qu'est-ce qui arrive si tout le monde les regarde, etc. C'était pas encore aussi soucieux que maintenant, mais ça commençait à venir. Et puis le spam, etc. le coût d'accès dans beaucoup de pays était trop cher. Et puis les pays qui voulaient contrôler les contenus, enfin, dans les pays un peu autoritaires, qu'ils soient, ce soit à base idéologique ou à base religieuse, enfin, c'est l'idéologie aussi d'ailleurs. Bon, pour différentes raisons, il y a des pays qui voulaient mieux contrôler les contenus. Ça, l'ICANN dit, c'est pas notre boulot. Nous, on s'occupe des noms de domaine, etc. Mais pour le reste, écoutez, discutez entre vous, trouvez des solutions, mais c'est pas notre business. Donc, les gens restaient un petit peu sur leur faim, c'est qu'ils ne voyaient pas vraiment de solution à tous ces problèmes-là. Ils ne les voient toujours pas, d'ailleurs. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ont beaucoup mieux compris maintenant que par le passé. Alors, comment ça s'est passé, ces deux demi-sommets qui ont abouti en 2005? Eh bien, premièrement, il y a eu un diktat des États-Unis. Avant même que le sommet soit terminé, ils ont envoyé une lettre au gouvernement en disant « De toute façon, il n'y a rien de changé. L'ICANN va continuer à s'occuper de l'Internet comme par le passé. Donc, en gros, c'est rentrer chez vous, il n'y a rien à voir. » Enfin, ça, ce n'était pas très poli. Alors, il y a eu beaucoup de discussions. Il fallait quand même que ça n'ait pas l'air d'un échec. Alors, on a dit « On va créer un forum mondial de la gouvernance de l'Internet. » FGI ou IGF en anglais. Très bien. Alors, tir à boulet rouge des Américains et de leurs complices là-dessus, c'est du temps perdu, c'est des duplications, c'est bourré de ressources inutiles. Mais quand même, comme il fallait bien qu'il y ait quelque chose, ils ont fini par admettre, à condition que ce forum n'ait pas de budget, qu'il ne fasse pas de recommandations, que blablabla. Autrement dit, il était, dès le départ, il avait aucun moyen de fonctionnement. Ce qui a permis à l'ICANN, d'ailleurs, et d'autres organismes, de le capturer petit à petit en lui mettant de l'argent pour qu'il puisse continuer à se réunir. Donc, le système, alors, du même coup, ils ont commencé à être extrêmement élogieux sur le FGI, parce que, comme ils le finançaient, il ne se passait rien qui les gênait. Alors, comme toujours dans les sommets, il y a eu un document qui s'appelle l'agenda de Tunis, qui est très connu, au moins en parole, qui relatait l'ensemble des, pas des décisions, mais disons des recommandations ou des déclarations qui ont été prises. C'est toujours d'actualité, ça. C'est toujours contesté, d'ailleurs, parce qu'il y a forcément des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord. Mais les Chinois, les Russes avaient une partie de ce qu'ils voulaient. Les Européens un peu aussi, bien qu'ils n'avaient pas beaucoup de voix. Les Américains avaient aussi ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire d'empêcher les autres de les gêner. Mais il y avait un peu tout le monde avait trouvé son bonheur là-dedans. Mais il n'y a pas, on n'a rien fait de mieux depuis. Enfin, là-dedans, il y avait une forte incitation à ce qu'il y ait une coopération spéciale entre les États. On ne sait toujours pas ce que ça veut dire. Bon, voilà pour le SNSI, en vitesse. Ça continue. Il y aura de nouveau un FGI, Guadalajara au Mexique, en décembre. Donc, tous les ans, il y a un FGI. Puis maintenant, il y a des FGI régionaux, il y en a moins de 50. Les pays, on se dit, on va là-dedans, on n'est pas très au courant, on ne peut pas envoyer beaucoup de gens, et puis ça parle trop souvent anglais, on ne maîtrise pas bien la langue. Donc, il y a un pas mal de pays qui font leur propre FGI national ou régional pour envoyer des délégués au FGI mondial. Mais ce n'est pas prêt de coordonner, ce n'est pas prêt de focaliser. Bon, je continue. Le fait qu'il y ait de l'UIT dans le sommet international, ça vous gênait pas du fait de votre expérience justement avec la partie télécom, et la partie informatique? On va pas à ce stade-là, mais il n'y avait pas vraiment plus de discussion là-dessus. Ça, c'était sinon réglé, en tout cas, c'était pas le sujet, parce que la plupart des délégués étaient de toute manière pas compétents pour discuter de ça. Ils venaient beaucoup plus pour défendre le biftec de leur pays, de leur lobby. Donc, les discussions étaient très largement, très matérialistes. Mais nous, ça ne nous gênait pas du tout, parce que comme les Américains ne pouvaient pas supporter l'UIT, parce qu'évidemment, le problème de l'UIT, c'est qu'il y a des membres, et il y en a 180 à peu près, 184, je crois, et ils ne peuvent pas tous les acheter. Donc, ils ne sont pas sûrs d'avoir des bons résultats de discussion à l'UIT, ce qui fait qu'ils essayent de bloquer, éviter au maximum l'UIT. Donc, s'ils évitaient au maximum l'unité, donc l'unité était amie avec nous, forcément, parce que les meilleurs, alors, on est toujours les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Déjà. Une question qui porte sur la deuxième partie de votre exposé, c'est-à-dire les aspects économiques, oui. Et plus particulièrement sur la domination quasi absolue des États-Unis et des entreprises américaines sur Internet. Mais auparavant, une remarque, je vous ai entendu dire que l'OM, j'y suis pour rien. On vous trouve très modeste, c'est-à-dire, c'est vrai que je crois que vous n'avez pas travaillé directement sur HTML et les browsers, cette partie du web, mais pour ce qui concerne Internet, vous êtes reconnu, c'est pas moi qui le dis, vous êtes reconnu comme un des fondateurs d'Internet. Mm-hmm. Vous êtes le seul Français dans la liste des pionniers, hein, du temple de l'Internet, Internet Society, et vous avez reçu le prix Queen Elizabeth Prize of Engineering, je crois que c'est ça, avec les quatre autres personnes reconnues comme fondateurs de l'Internet, qui vous reconnaissent comme un des leurs d'ailleurs, hein, Pierre Lherbie, Victor Cerf, Axel Kahn, et plus jeune que les quatre premiers, je dirais, Marc André Sen. Vous êtes clairement reconnu comme un des fondateurs, je dirais, d'Internet, dans l'histoire de la technique. Je crois qu'il faut le dire, parce que vous êtes bien modeste, en disant que j'y suis pour rien. On n'a aucun pouvoir. Comment ? On n'a aucun pouvoir. Voilà. Alors, ma question porte sur la domination américaine. Auparavant, je peux faire une petite analogie qui va éclairer la question. Imaginons, ça venait dans une discussion sur ce sujet il y a quelques jours. Imaginons qu'il n'y ait pas eu en Europe Airbus. Je ne sais pas comment Airbus a été créé dans le métal, mais qu'il n'y ait pas eu cet accord, à un moment donné, entre les entreprises industrielles, les gouvernements, etc., pour créer Airbus. On aurait sans doute aujourd'hui une situation où les États-Unis auraient le monopole absolu de l'aviation civile. Certainement. C'est-à-dire il y aurait Boeing ou McDonnell Douglas, tous les avions civils volants en Occident, dans le monde, seraient les avions américains. Oui, ni des trains d'atterrissage, ni des moteurs, ni rien du tout. L'aviation civile serait américaine. Point. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors en France, on a une industrie nucléaire, on a en France et en Europe, une industrie aérospatiale, etc. Et quand on regarde les chiffres, Internet est américain à 95%, oui. 19 des 20 premières sociétés mondiales sont américaines, ils contrôlent l'Italie, etc. Alors il y a eu une succession d'erreurs. Vous avez parlé des années 70, hein, de la fin de Cyclades, des choix à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing, les premiers. Mais il y a eu aussi un épisode que vous devez certainement connaître. Moi, j'ai connu dans les années 90, au moment des autoroutes de l'information, du rapport de Gérard Terry, hein, que j'ai suivi ça en 93, polytechnicien comme vous, il est à peu près la même génération, je pense. Terry doit être polytechnicien, Gérard Terry. Oh oui, bien sûr. Bien sûr, ingénieur général des télécommunications, et qui avait été fait à la demande de Balladur, qui avait donné une grande messe, si je puis dire, une grande conférence en 94, parce que tout le monde pensait 95, tout le monde pensait que Balladur était le prochain président de la République. Ça donnait une certaine onction à la chose. Et dans ce rapport Terry, qui faisait suite à des rapports américains de bord sur Information Highways, Internet n'est pas cité ou à peine une allusion au rapport, etc. Tout était pour Transpac et XN5. Totalement. C'est-à-dire des choix stratégiques qui sont révélés erronés, parce que de tout ça, il ne reste rien. Ouais. De Minitel et d'XN5. Transpac, il ne reste rien. Donc il y a des responsables, des gens très compétents, très intelligents par ailleurs, mais il y a eu des grandes erreurs massives à l'échelle de l'Europe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, contrairement à ce qui existe dans l'aéronautique, il n'y a rien en Europe, il n'y a aucune prise sur Internet. Alors, sur cet épisode plus tardif que vous avez connu, certainement, Bien sûr, autoroutes de l'information, Gérard Terry, les batailles autour de Transpac, j'aimerais vous entendre un peu, parce que c'est là que s'est jouée la chose, finalement. C'était la dernière possibilité pour l'Europe de rétablir dans le domaine de l'IP. C'était inconcevable, puisqu'à partir du moment où ils avaient choisi de démanteler ce qu'avait construit la délégation informatique, ils étaient sur un autre rail. Thierry, comme il avait comme objectif primitif quand il a été nommé à la DGT, c'était de soigner l'histoire du début de la guerre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de téléphone. La moitié de la France attendait le téléphone et l'autre moitié attendait la tonalité. Donc il a foncé là-dessus, il a parfaitement réussi, il a mis beaucoup d'argent dans les sociétés de télé, chez les constructeurs de téléphone. Il est passé de l'analogique au numérique. Il a fait beaucoup de choses en téléphonie. Et puis il a pris la grosse tête. Bon. Alors là, il a commencé à faire un tour du monde en montrant ce qu'il était capable de faire dans le monde. Il a monté des conférences. Il y en a une qui a marché, une autre qui a capoté. Bon. Tout ça, il est arrivé un petit peu en bout de course. Hein. Et... Ce qui est étonnant aussi, c'était la privatisation de France Télécom. Dès lors qu'il y a eu la privatisation, ça a complètement revu la copie. Ça ne l'explique pas dans le rapport théorique, c'est-à-dire ces intellectuels. Mais ils n'ont pas compris du tout ce qu'ils décidaient. Non, ils n'ont pas compris. Ils voulaient le savoir à l'essor. On ne pouvait rien faire. Il y avait X25 d'un côté. Si on parlait de l'Internet à l'époque, c'était dangereux parce que ça voulait dire qu'on voulait attirer les Américains. Déjà, même Ethernet, il ne fallait pas en parler. Parce que ça voulait dire qu'on était du côté américain. Financièrement, non. Ça a débouché sur l'aide. Le dernier serveur a été éteint en 2011. Les Américains nous enviaient quand ils venaient chez nous et qu'ils voyaient. Oui, mais ça, vous êtes, pardon, mais malgré la différence d'âge, vous êtes exactement, presque mot pour mot, dans le rapport Théry, qui est l'ancien directeur général des télécoms, un homme extrêmement brillant, qui disait que les Américains nous enviaient militaire. Donc, le résultat, c'est la domination américaine. C'était pas cohérent tout ça. La vraie coupure qu'on raconte, elle est pas là. Elle est sur le choix à un moment donné du lobbying qui a été fait avec Valéry Giscard d'Estaing et d'arrêter Cyclades. Ça veut dire que si à ce moment-là il y aurait eu le Cyclades qui était déjà sur un réseau européen, à ce moment-là on aurait pu inverser les choses. Une fois qu'on arrête Cyclades et qu'on fait des choix qui sont des erreurs techniques, la chose est déjà jouée, non? C'est-à-dire qu'il faut se placer dans le cadre mental de l'époque. Hein. Internet n'était absolument pas perçu comme une voie d'avenir. La voie d'avenir, à l'époque, elle était toujours considérée comme les télécoms, qui marchaient pas mal, parce qu'il y avait un tel retard de production, d'installation, etc. Ils avaient beaucoup d'argent à l'époque, les télécoms. En plus de ça, ils avaient l'élite industrielle, etc. Ça marchait bien. L'Internet au plan électoral, c'était nul, zéro. Bon, pour beaucoup de politiques, c'est d'abord ça qu'on regarde, c'est qu'est-ce que ça importe comme voix. Ensuite, on n'était pas les seuls à être ignorants là-dessus. Alors, la France était certainement ignorante, mais l'Allemagne aussi, l'Angleterre presque aussi, ils avaient raté un petit peu leur transmission de données avec EPSS, ils avaient fait un système américain après. Enfin, la plupart des pays européens n'étaient pas vraiment motivés. Pour eux, l'Internet, c'était un gadget de chercheur. Ce n'était pas ça qui allait rapporter de l'argent. Et il n'y avait pas du tout de dynamique à l'époque pour monter l'Internet en puissance. Ça s'est fait petit à petit, grâce précisément à l'époque, au lobby avant le renversement de passage à Giscard. On avait à peu près convaincu la C2I et les Allemands à l'époque de faire de l'Internet. Je me souviens avoir eu des conversations avec un Allemand qui passait à la C2I. On avait monté le coup de présenter Cyclades à la foire de Hanovre. C'est eux qui payaient. Et ils étaient contents, les Allemands, parce qu'ils n'avaient pas, Siemens n'avait pas à l'époque de techno-réseau. Et déjà beaucoup d'universitaires allemands voulait des machines réseau, Internet. Finalement, on n'était guère que les seuls à l'époque à pouvoir fournir une techno-réseau. Donc il y avait le début peut-être d'un décollage, mais avec le changement de président, ça a été complètement foutu. Ça a été cassé. On ne pouvait rien faire, c'était la politique X25 dure. Ça, c'est effectivement une erreur stratégique énorme, mais Je crois que ce n'est pas les seuls. Hein. Oui. Comment s'appelait le système militaire français de transmission qui avait été vendu aux Américains? L'architecture ressemblait beaucoup à Internet avec le maillage de réseau. Je pense que c'était dans les années 90. Qu'est-ce qu'il faisait ce système? Le système de radio d'échange sur le champ de bataille, etc. qui avait été fait par. Je ne sais pas si c'est Thomson qui l'avait fait au Matrin. Les Américains ont trouvé tellement bon. C'est pas un système de Thomson, ça, non? Peut-être. Je ne sais plus le nom. Ça peut être ça, parce que je n'ai pas bien suivi ces trucs-là, parce qu'ils se passaient complètement en dehors de notre sphère. Le système, c'était de dire qu'on ne prend pas un canal unique, on a un maillage de réseau, et le paquet de communication, il peut passer par un chemin pour prendre un autre. Je sais que ça devait être un système radio, je pense. Je pense que c'est un truc qui est fait par Thomson, ça. Si, ça passait par un réseau. J'ai deux questions. Est-ce qu'il y a un DGI en France, un FGI en France? DGI? Un forum de la gouvernance internet. Vous avez dit qu'il y avait une cinquantaine dans le monde. Est-ce qu'il y en a un qui se passe en France? Et qui c'est qui s'en occupe? DGI veut s'occuper d'internet dans le monde? Pas comprendre. Je comprends pas. Vous avez parlé à un moment donné de forums de gouvernance. Ah oui, les forums, ah oui, d'accord. Et vous avez dit qu'il y en a une cinquantaine. Une cinquantaine, oui. Est-ce qu'il y en a un qui se passe en France? Il y en a un, oui, il y en a un bidon. Oui. il a été créé par des gens de l'ICAM. C'est bizarre, non? Et à votre avis, il y a un politique qui a soulevé le. Il y a quelques temps, c'est passé complètement inaperçu, qui a dit qu'il fallait que la France retrouve une souveraineté numérique. Oui. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait être fait dans cette direction? Je crois que le prochain FG va peut-être le faire, nous, avec d'autres collègues, avec Athéna et d'autres. Ça donnera peut-être une plus grande fleur arc-en-ciel diversifiée au système. À l'heure actuelle, c'est simplement de la propagande ICANN. Vous proposez des alternatives au DNS centralisé? Vous avez des choses en tête, hein? C'est-à-dire que même en faisant un bon FGI en France, il ne faut pas se faire d'illusions parce que nos politiques ne nous défendent pas. À Bruxelles ou à Genève, on ne les voit même pas. Alors, c'est bien de faire c'est pas mal d'occuper le terrain en France, mais si on n'est pas capable de porter ses idées dans les enceintes internationales, ça veut dire que finalement, nos politiques, quand ils parlent d'Internet, c'est toujours dans un cadre hexagonal. Ils n'ont pas vraiment compris que ça n'a aucune importance qui se passe en France si ce n'est pas conçu dans un plan international. On avait des politiques plus percutantes que ça il y a 7-8 ans, quoi. Mais là encore, il n'y a pas eu de renouvellement. Ça, c'est vraiment un problème politique français. Et on peut dire, après tout, que ce n'est pas forcément mieux en Italie, ni en Espagne. Qu'est-ce qu'on peut dire? Même en Allemagne, c'est pas, ils n'ont pas vraiment de puissance politique. Les ingénieurs ont perdu le pouvoir, en fait. Il y a très bons ingénieurs partout. Il manque une trentaine d'ingénieurs à l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup d'avocats, beaucoup de docteurs. Est-ce que vous citiez le. Oui, mais c'est ça, c'est déjà des décisions de la champ politique. C'est pas l'entable. Les avocats non plus, les autres n'ont plus. Je voudrais vous un petit peu. Mais pour faire l'Airbus, c'est pour faire Galileo, par exemple. Oui. Ça ne se fait pas uniquement avec des bons ingénieurs. Ils font aussi des lobbies. Moi, je pense qu'en Europe, on ne peut pas faire. En projet industriel, s'il n'y a pas des industriels européens dedans. Dans le cadre d'Internet, il n'y a aucun industriel important qui en faisait partie. Mais là où vous avez raison, parce que je les fréquente au quotidien, les politiques, c'est leur problème, c'est qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas le monde numérique. Lorsqu'un politique vous dit je suis dans le flux, je connais le monde numérique, il a déjà 10 ans de retard, il ne s'en rend pas compte. Ce qui se passe aujourd'hui à Genève, c'est grâce à tous ces jeunes qui sont ici, qui vont pousser, qui vont secouer la politique. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas qu'ils se contentent de pousser les politiques, il faut qu'ils deviennent. Ah, c'était super. Ça rejoint. J'ai raison. Moi, je me dis qu'il manque une cinquantaine d'ingénieurs comme députés. J'avais connu Jean Artéry, qui était à l'époque conseiller à la Cité des sciences et de l'industrie, qui était mon président. C'est-à-dire, jusqu'au bout, on avait la main quand même en 1998, quand on avait lancé l'exposition Nouvelle Image, Nouveau Réseau, qui était le premier lieu en France de médiation autour de l'Internet. On avait formé Jacques Chirac, qui était là dans la salle, qui s'est fait servir d'une souris. Et ça avait fait une bonne à l'époque dans la presse. Même à cette époque-là, Gérard Artéry avait pris la présidence de la Cité des sciences. Persuadé qu'on allait revenir à lui demander sa diplôme qui était de la thème native. C'est pas seulement une question d'un ingénieur, c'est aussi à un moment donné, les personnes qui sont visionnaires pouvaient être un bon ingénieur et nous placer des sciences sur l'argent du contribuable. On était les seuls en France à avoir une grosse boucle qui correspondait à de la fibre aujourd'hui, mais qui ne servait à rien parce qu'on était arrivé avec personne. Mais Gérard Thierry, qui voulait encore prouver qu'il avait raison, même si c'était trompé, sur ses choix technologiques. Donc la question, c'est pas seulement la capacité d'ingénieur, la question, c'est d'être en capacité finalement que les lobbies, c'est ça le danger, ça fait partie un peu de l'opération des lobbies sur Internet, ne prennent pas trop de poids pour que la raison l'emporte. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, même des ingénieurs, et on le voit à l'heure d'aujourd'hui sur des problématiques qui sont criantes, sur des enjeux autour de la propriété intellectuelle, où on n'est pas gagnant, voilà, les lobbies sont à l'œuvre. Et après, la question, c'est pourquoi les citoyens, c'est pour ça que cette opération des lobbies sur Internet, finalement, pour ça, pour aussi peu de temps, à comprendre les enjeux techniques qu'il y a. Alors là, pour ceux qui sont venus hier, qui nous suivent depuis vendredi, depuis le web, là, on a une vision des Américains qui ont pris le pouvoir, mais tout le week-end, on a justement montré que cinq acteurs majeurs américains possèdent, sont en train de récolter la plupart des données de tous les citoyens du monde entier et d'en faire des traitements. Et là, il y a des enjeux qui sont beaucoup plus graves que de maîtriser les noms de domaine et les architectures, c'est qu'on passe à d'autres modèles. Donc, l'enjeu, c'est qu'il y a une coupure des citoyens, et on voit, qui ne se forment pas assez par rapport aux enjeux d'aujourd'hui. Moi, je me réjouis de voir aussi nombreux sur aujourd'hui, mais par rapport aux enjeux, on pourrait imaginer que voilà, c'est ici que ça se passe si on veut commencer à penser demain. Ça, c'est un problème de fond de la société. Hein. Je crois que la France n'est pas bonne, mais les autres non plus. On n'a plus les meneurs industriels qu'on avait autrefois. Excusez-moi, je suis d'accord, je n'ai pas le monsieur qui a parlé de militaire. C'est vrai que des fois, actuellement, la France n'est pas bonne là-dessus, mais la France a été très bonne sur le militaire. Et après, c'est une autre technologie, c'est comme la France est très bonne sur le moteur à réaction, mais très bon sur le faire des technologies. Je me permets juste une remarque. C'est aux États-Unis, pour des raisons qui tiennent au commerce et à la guerre, mais surtout à la guerre, à la guerre froide, et qui sont anciennes, puisque ça date même de Los Alamos, la haute technologie, dans tous ses compartiments, bénéficie et continue de bénéficier d'un soutien absolu et quasi illimité de l'État. C'est ça qui fonctionne. Et on le voit aujourd'hui dans la Silicon Valley. Et en Europe, non, sauf justement. Dans les deux cas que vous citez tout à l'heure, pour des raisons stratégiques, pour l'aviation et le nucléaire. Mais en dehors de l'aviation et du nucléaire, la technologie n'a pas ce soutien de l'État. Et aux États-Unis, le soutien est illimité et absolu. Depuis, je pense, pour pouvoir le dire, depuis Los Alamos, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est ancien. La domination américaine est ancienne. Ils permettent à personne d'entrer, surtout pas aux Russes à une époque, mais aujourd'hui, certainement pas à Jean. En tout cas, ça peut être un nœud vert. C'est toujours sourire. Vous savez, dans la Silicon Valley, là, ces trois petites villes, c'est 3000 habitants hein, à la base. C'était grand comme Marzy, hein, voilà, et il suffit de, voilà, d'avoir des gouttes. Et surtout qu'un âge que vous ne connaissez pas, c'est qu'on a des plus gros patrons de France. pas où exactement, mais il appartient à l'Iliade, à Paris, et il déménage les autres, Paris et Marseille. Il passe à Nevers, après il va sur Paris le Mondial, il rejoint la nouvelle Légion à Lyon, et il passe à Nevers. Donc moi je me suis toujours dit, peut-être un jour, il y a une entreprise qui va se dire qu'il va chercher où construire un gros data center, il va se dire, c'est donc à Nevers. C'est la question. C'est joli, monsieur. Internet est décentralisé, les DNS sont centralisés, c'est ça qui donne le pouvoir à l'ICANN. Vous connaissez des alternatives pour décentraliser les DNS? Un peu, oui. Sur quoi vous avez surveillé? Bah, je peux vous en parler, j'ai le temps. Oui, une question. Je veux dire ça. Créer d'autres zones de discussion. Les standards, je vais peut-être aller assez vite parce que d'abord, je n'ai pas beaucoup de choses. Simplement pour dire, voyez, qu'est-ce qui fait les standards de l'Internet? Des ingénieurs de différentes sociétés qui travaillent sur l'Internet. Ils vont à des réunions trois fois par an, ou quatre. Ils y vont théoriquement à leurs frais, mais c'est faux parce qu'ils sont payés par leurs employeurs. Alors ça, c'est les pourcentages des auteurs des standards de l'Internet. Pratiquement 80% des auteurs sont employés par des sociétés américaines. Mais ils peuvent être anglais, allemands, japonais, bienvenus. Comme le pays de l'immigration des États-Unis. Le reste, vous voyez, c'est de la poussière. Bon. Ça n'empêche pas que de temps à autre, par exemple, Alcatel était devenu le grand fournisseur d'ADSL de par le monde. C'est beaucoup de gens ne savent pas ça. Était fournisseur non seulement de la France, mais de pratiquement l'Europe, les États-Unis. C'était la DSL d'Alcatel. Mais sinon, c'est un truc encore très, très verrouillé par les États-Unis. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les standards ne sont pas mauvais, parce qu'ils sont faits par des gens très bien, mais ils sont faits dans l'intérêt des sociétés américaines. Ça va de soi, ceux qui payent. Donc, ça, c'est clair que de ce côté-là, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, une solution, mais pas à l'échelon national en Europe, c'est le schisme. Les Chinois ont compris, dès le départ, ils ont compris déjà en 2005. Alors, on les a peut-être aidés à comprendre, en quel cas, ça, je trouvais que ce serait pas mal comme résultat, mais ils venaient aussi sans savoir grand-chose, mais après avoir discuté avec eux, eh bien, ils ont dit, ah oui, ok, bon, il y a la politique et il y a l'opérationnel. Bon, ok. L'opérationnel, il suffit de prendre des ingénieurs, ça marche. Le politique, c'est nous, hein, pas les autres gouvernements. Donc ils ont décidé qu'ils allaient faire un Internet chinois, et tout. En majorité en IPv6, parce qu'il n'y avait pas d'adresse IPv4 pour eux. Et avec même deux Chinois, parce qu'il y a le traditionnel simplifié. Et bien depuis 2005, et ils ont maintenant pas loin de 7 millions, pas loin de 7 millions d'utilisateurs chinois. 700 millions sur Internet. Ils en ont plus que les États-Unis et l'Europe réunies. Bon, eux, ils ont compris ce qu'il fallait faire. Bon, maintenant, ils font peut-être des choses qui ne nous plaisent pas, mais au moins en matière d'Internet, ils ont agi. Alors pourquoi les autres n'ont pas marché? Parce qu'ils sont moins intelligents, c'est tout. Ils n'ont pas compris assez vite. Et Poutine aurait pu comprendre, parce qu'il est intelligent, je pense, mais il avait beaucoup d'histoires avec ses comment est-ce qu'il les appelle en russe, pas, tous ces pétroliers, enfin, tous les gars qui avaient hérité de... avec Eltsine, ils avaient hérité d'une partie du patrimoine de la Russie. Donc, il avait beaucoup de mal, l'histoire avec Khodorkovsky, par exemple, etc. Donc, il avait à régler ses affaires de potentats locaux. Maintenant que c'est réglé, il semble qu'ils reprennent, qu'ils s'aperçoivent maintenant qu'il faut qu'ils fassent quelque chose. Mais ça va être pas très rapide. Donc, une autre alternative, alors, qui elle est peut-être aussi régionale que l'on veut, ou aussi grande que l'on veut, parce que ce n'est pas du tout lié à du capital, ce n'est pas du tout lié, on pourrait dire, au passé, puisque ça met les pieds dans un terrain relativement vierge. C'est les racines ouvertes. Ça existe depuis 1995 aux États-Unis, il y a des gens qui s'étaient déjà avancés là-dessus, avant que l'ICANN existe, parce qu'ils avaient flairé qu'il y avait de l'argent à faire. C'était purement matérialiste à l'époque. Alors, il y en a qui ont capoté. Par exemple, il y avait Pacific Route qui a capoté parce qu'il avait créé le point BIS. Et puis quand l'ICANN, quelques années plus tard, a piqué le point BIS, sans aucun remords, hein, ils ont piqué le point BIS tout simplement, ben, apparemment Pacific Route n'a pas réussi à maintenir, ils ont disparu. Il y a d'autres sociétés qui sont toujours en marche à l'heure actuelle. Il y a Namespace, OpenSpace, je ne sais plus quoi, OpenNames plutôt. Ben, leur société existe, il y en a qui ont quand même quelques dizaines de milliers d'utilisateurs. Hein. Donc ce n'est pas du tout mort. Mais ça n'était pas sorti des États-Unis. D'abord parce qu'ils n'avaient pas eux-mêmes fait de propagande pour en sortir. Et aussi parce qu'il ben, n'y avait pas de dynamique en Europe pour le faire. Alors maintenant, on a une dynamique. Nous, on en fait. Ça s'appelle OpenRoute, tout bêtement. Le logo, c'est d'ailleurs la petite partie qui est là-haut. Alors, techniquement, c'est de l'Internet. L'Internet qui existe, sauf qu'on n'utilise pas les mêmes adresses, on n'utilise pas le même annuaire. De même que dans le téléphone, on peut parfaitement faire un téléphone entièrement compatible avec un annuaire d'abonnés différent. L'histoire de le DNS unique au monde, parce que c'est absolument impératif pour la technique, c'est de la foutaise. On peut faire autant de DNS qu'on veut, c'est pas ça qui empêche Internet de marcher. Après, c'est purement une question d'organisation, de la gestion des numéros, et tout. Mais techniquement, ça ne pose aucun problème. Donc, on a repris tout à fait ce qui existe, c'est-à-dire les normes Internet. On a des serveurs de noms, on en a dans l'ensemble des continents, on en a 25 à peu près. Et puis voilà, maintenant on cherche à avoir des clients. Mais ça, c'est pas dur à faire. Ce qui est dur à faire, c'est de faire comprendre aux gens que c'est faisable. Ça, c'est le pire. Vous faites des TLD, c'est quoi les TLD? Ah oui, en effet, mais ça sert à quoi, TLD? Puis, comment vous faites pour travailler avec l'ICANN? On ne travaille pas avec l'ICANN, on est indépendant. Tout un processus mental d'évolution, c'est pas mûr. Hein. Il faut expliquer aux gens à quoi ça sert, comment on le fait. En fait, ça importe peu comment on le fait, ça marche, c'est tout. Ce n'est pas la question qu'il faut se poser, c'est la question c'est qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors justement, ça n'enlève rien à ce qu'on sait faire. On a accès à tout l'Internet tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire l'ICANN. Donc on a dans nos serveurs l'annuaire de l'ICANN. Et puis il y a notre annuaire, bien sûr. Puis il y a l'annuaire des Chinois. Un annuaire arabe, mais ils sont pas. Il n'y a pas d'annuaire unique. Il n'y a pas d'annuaire complet pour les pays arabes. Des annuaires de geeks, il y en a aussi. Toute société qui a un annuaire suffisamment au point et qui veut bien se laisser référencer, parce qu'on ne leur pique pas leurs informations, on ne fait que s'il y a des gens qui se connectent chez nous avec leur nom, on est capable de les router, c'est tout. Donc ça leur permet d'utiliser tout ce qui est connu et tout ce qui veut bien se laisser utiliser. Non, ça c'est la partie facile si on a compris à quoi ça sert. Alors, à quoi ça sert? Ben, premièrement, pour les pays qui ont une nécessité de maintenir leur image nationale. Bon, alors il y a des pays qui sont comme ça. Hein. Il y a des pays qui veulent bien avoir les Grecs par exemple, qui veulent bien avoir l'image nationale. Donc ils ne peuvent pas l'avoir facilement si ça n'a pas été attribué par l'ICANN. Bon, l'ICANN, des fois, attribue des noms qui ne leur plaisent pas. Par exemple, la Bulgarie. La Bulgarie, c'est un pays de langue cyrillique. Il leur a fallu 6 ans pour obtenir que l'ICANN les autorise à mettre leur bégué hein, dans la mer de l'ICANN. Tout ça pour des raisons totalement infantiles. Des soi-disant experts dont on ne connaissait pas les noms, qui prétendaient que c'était affreusement similaire, dangereusement similaire à Brésil. C'était vraiment de la petite bagarre de gens qui ont des postes et qui ne veulent pas larguer leur fauteuil. Donc ça, c'est ce qu'on rencontre pour certains pays. Maintenant, il y a les pays qui n'existent pas. Les Kurdes, les Tibétains, on pourrait dire aussi les Basques, etc. On pourrait dire les Bretons, mais ils ont acheté un BZH. Alors, ces pays qui n'ont pas le droit d'exister au plan international parce que ils ne sont pas reconnus par les États, donc ils ne peuvent pas être reconnus par les Nations Unies. Donc ils ne sont pas, parce que les l'ICANN ne met dans sa manière que les noms qui sont reconnus. Nous, on les prend, hein, pour l'histoire. Ensuite, à quoi ça sert aussi? Eh bien, les grandes sociétés, pour citer par exemple, quelle est la société chez qui est Bolloré, là? Je ne sais plus, c'est la sienne ou une autre? Enfin, dans les grandes sociétés, ils ont tous Internet, bien sûr, mais il y a plein de gens, ils rêvent de maison, et il y a fatalement un jour ou l'autre, on envoie un document à quelqu'un qui n'aurait pas dû le recevoir. Peut-être c'était un homonyme, ou c'est tombé, faute de frappe, ou quelque chose. Et hop, il part, et puis après c'est dans le canard enchaîné, etc. Ça les emmerde quand même, parce que c'est pas sécurisé l'Internet, faut pas rigoler, quoi. Donc, en ensemble, ce genre d'histoire arrive assez fréquemment, c'est pas toujours célèbre, mais ça arrive. Ça les agace. Eh bien, ils peuvent se faire un extranet, c'est-à-dire ils se prennent un TLD à eux, pour eux, ils ne le publient pas, il n'est utilisé que par les gens de leur groupe ou leurs clients éventuellement, etc. Donc, ils fonctionnent, on pourrait dire, sous les radars. Ils ne sont pas visibles facilement. Ce n'est pas extrêmement sécurisé non plus. Ce n'est pas complètement différent. C'est de l'Internet un peu plus restreint et plus policé, on va dire plus limité à certaines catégories de gens qui ont le privilège de le savoir. Donc, ça, c'est très classique dans les grandes sociétés. Maintenant, autre type de clientèle, c'est tout ce qui est PME, micro-sociétés, clubs, qui ont des membres, mais souvent avec des adresses complètement disparates, puis ça change des fois d'un nom à l'autre, parce que ça n'a pas beaucoup d'argent, c'est pas très bien organisé, donc c'est un petit peu la pagaille. Alors, simplement, ils veulent pas payer cher, ça tombe bien, si c'est sans but lucratif, on leur fait un cadeau. Alors ça, c'est... ils n'ont pas besoin d'être mondial non plus. Ce qu'ils veulent, c'est atteindre l'ensemble de l'Internet d'aujourd'hui, mais ça, bien sûr, tout le monde là, chez nous. Et puis, par ailleurs, s'ils veulent se faire leur groupe à eux, parfait. Là encore, c'est pas forcément sous le radar, en sens qui n'intéresse pas le monde entier, mais ça leur permet de fonctionner avec un minimum d'homogénéité pour pas d'argent. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore que c'est possible là-dedans. Mais il y a justement toutes les langues bizarres, tous les gens qui n'ont pas encore été officiellement numérisés dans Internet. Il y a par exemple une vingtaine, 20 ou 25 langues couramment utilisées en Inde, mais il n'y en a guère que 3 ou 4 qui sont numérisées. Il y a par ailleurs des tas de langues africaines. Actuellement, il y a 6000 langues au monde qui sont pratiquées. Il n'y en a pas plus de 150 qui sont numérisées, c'est-à-dire qui ont des codes, dont l'alphabet a été défini avec des codes. Alors là encore, le problème, c'est qu'il y a de gros barrages officiels. Il y a d'abord l'ISO, mais pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui réclament une table à l'ISO. Ensuite, il faut le faire passer à l'ICANN, parce que l'ICANN n'aime pas du tout l'ISO. Donc, il faut qu'il y ait une forte pression pour introduire des tables nouvelles pour définir les caractères. C'est de la bureaucratie, mais ça prend du temps et de l'argent. Alors donc ça, c'est une barrière. Donc ça serait aussi un marché dans la mesure où les gens s'apercevraient que s'ils veulent faire leur arabe, ou s'ils veulent faire leur hindi, ou s'ils veulent faire leur pays africain, il y en a pas mal, leur wolof, etc. On ne va pas leur chercher des crosses. On va dire, ben, vous faites votre table d'affadé, mais donnez le code que vous voulez, puis ça marche, c'est tout. Si vous voulez changer plus tard, ben vous changez plus tard, c'est pas notre problème, c'est le vôtre. Donc ça, c'est des marchés possibles, mais là encore, il faut une certaine dynamique pour expliquer tout ça aux gens, aller les voir, il faut des gens locaux. Hein. Ces trucs-là, ça se prend pas à distance, par du remote, machin, remote conférence. Il faut qu'il y ait des locaux qui prennent ça en charge et qui voient les gens face à face. C'est typiquement le genre de choses qui pourrait très bien se passer dans le cadre d'associations existantes ou bien dans le cadre de leaders locaux, des FAI. Par exemple, on a rencontré au Kenya des FAI qui voudraient bien, il y en a une bonne dizaine au Kenya des FAI, ils voudraient bien travailler avec la Tanzanie, avec d'emplois, mais ils ont deux ou trois États qui le desservent à l'heure actuelle. Ils n'ont pas besoin d'aller dans le monde entier. Et ils aimeraient bien avoir un TLD qui leur donne l'accès à leur société, qui porte le nom de leur société, et qui soit connu dans une partie de l'Afrique. Alors, on pourrait le faire si on avait, nous, du monde, des copains locaux, etc. On voit très bien ce qu'il faut faire, mais on n'a pas les moyens de le faire. Il faut des gens locaux. Enfin, ça se fait petit à petit, parce qu'ils ont de bons techniciens à l'heure actuelle, mais ils n'ont pas toujours l'organisation et l'argent nécessaire pour le faire à un délai potable. Donc, on en trouvera, on a mis aussi des événementiels. Enfin, vous voulez faire, je sais un truc que j'ai dans des exemples. En fait, une foire, je ne sais pas quoi, une foire peut-être pas au vin, mais au fromage à Aurillac. Hein. Bon, une foire au vin à Aurillac, c'est un petit peu comme l'IGF 2016, etc. Bon, il y a un titre qui change tous les ans, qui change avec la géographie. Il ne faut pas se casser les pieds, ça ne coûte rien le nom de domaine. Quand vous avez le TLD, vous faites tous les noms de domaine que vous voulez, à zéro euro. Donc ils peuvent très bien les fabriquer, puis quand ils n'ont plus besoin, ils les laissent tomber. Donc ça, c'est des types d'usage des noms de domaine qui ne sont pas encore couramment répandus parce qu'il n'y a pas le système économique nécessaire. Nous, on vend, mais on peut très bien vendre des noms à des gens qui les louent. On n'est pas FAI, mais les FAI peuvent les louer ensuite à des clients. Donc, en potentiel, tout ça est très faisable avec des moyens sans chercher midi à 14 heures. Mais il faut avoir plus de surface. Et on ne cherche pas, nous, à devenir un truc gigantesque, un Nican bis. Hein. Ça, c'est, non seulement ce n'est pas très vraisemblable, mais en plus, ce n'est pas intéressant. Ce qu'il faut, c'est que partout où il y a des énergies, des volontés, et qui comprennent pour le problème, il y a tout ce qu'il faut pour le faire même. Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas plus sorcier que de faire une start-up sur un autre truc un peu tordu. Quoi. Bon, donc aujourd'hui, on a tous ces trucs-là. Alors, les nouvelles extensions que l'ICANN a introduites en 2012, c'était fait presque en catimini, les gens ont eu 3 mois pour se décider. La plupart des Européens n'ont pas vu passer le boulet. Et il y en a qui s'en mordent les doigts. Par exemple, en France, il y a Leclerc qui a pris son TLD, Leclerc. Et pas Carrefour, ça n'est pas aperçu. Alors, nous, on a Carrefour, mais ils s'en servent en interne uniquement. La SNCF aussi, un point SNCF, ils s'en servent en interne. C'est ces grandes sociétés qui préfèrent avoir un extranet différent de voyage SNCF. Donc ça, c'est des marchés possibles. Alors bon, vous avez l'Arménie, ça c'est un de nos premiers clients, l'Arménie occidentale. C'est un morceau de Turquie, hors de question que ça puisse exister. Mais ils ont l'arménien comme langue. Vous avez un site, il m'a demandé une fois s'il ne pourrait pas avoir Western Arménie, .wa, avec l'ICAG, j'ai eu aucune chance. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible. Mais si vous voulez, on le fait. On l'aura fait, on a 0 francs, 0 euros d'ailleurs. Bon, il y a le point pirate en Allemagne. Point pirate, je ne sais plus, je ne l'avais plus. Là. Le point pirate. Bon, c'est un petit peu en Allemagne que ça a démarré en Europe, ce système-là. J'ai rencontré un collègue une fois qui était pratiquement tout seul pour faire ça, mais il avait des copains pirates, donc il leur avait fait un truc. Donc c'est à partir de là qu'on a fait SNB. Mais ça, c'est un moyen de casser le monopole. Parce que si il y a partout des gens qui font ça, des sociétés, s'il y en a une bonne dizaine, comme les FAI. Hein. Le FAI, c'est un bon niveau pour faire ça. Je suis désolé, parce que du coup, il y a okay. Le monde à laquelle tu participes également. D'accord. Ah bon. Je m'arrête peut-être, non hein? Je m'arrête. Alors, si tu veux, tu m'arrêtes, parce que ça serait si tu veux, parce que sinon, on va louper la table ronde sur laquelle tu participes. Lesquelles on veut. Ça te prendre parole sur l'autre table ronde et te priver justement du dialogue. Vu qu'on avait pris deux temps dans, oui, dans cette matinée, c'était effectivement qu'on puisse s'entendre. Pour le mieux que c'est que j'arrête. Avoir un temps d'échange avec, sur la prochaine table ronde, sur justement. Oui. Sur, en fait, tu as quasiment introduit le débat parce qu'on parlait d'un point de verre avec Alain Bourcier. C'est justement la question d'un Internet trop localisé. D'accord. Et donc, justement, c'est comment les territoires, justement, peuvent réfléchir à une relocalisation des tracteurs et la prochaine table ronde.